Bon bah bienvenue dans ce cargo culte. Il est consacré à l'album World of Echo de Arthur Russell. Alors je suis extrêmement content car Arthur Russell la fasse un peu la une de ce cargo culte. C'est même la une de la semaine, parce que si parmi vous les auditeurs aguerris, tous les noduliens et les pinodeurs à l'écoute ont fait attention, il y avait un excellent programme toute cette semaine qui a consacré tous les jours de 16h à 17h ou 17h à 18h un mix d'écoute de toutes les productions de Arthur Russell. Et on a pu se rendre compte quand même du caractère complètement pléthorique, avant-gardiste et complètement bigarré aussi de ce personnage. Et ma foi, un bien, bien curieux personnage. Alors il ne manquait plus qu'à ce très beau geste la parole. Parole que je vais avoir, que je vais être très content de joindre aujourd'hui. Alors spécialement focusé effectivement sur cet album World of Echo d'Arthur Russell, un disque assez long, il fait une heure, il a bénéficié en plus d'une réédition un peu augmentée avec d'autres lives, parce que vous allez voir c'est un disque un petit peu particulier, c'est un disque mi-studio, mi-live, mais il est enregistré dans les conditions studio assez précaires en fait, enfin, au studio on est en 1986 quand le disque est fait, et il doit plutôt à des conditions d'enregistrement propres à ceux du lieu où ils ont été la plupart du temps enregistrés, c'est-à-dire loft ou des galeries d'art new-yorkaises. Parce qu'effectivement, avec Arthur Russell, on est à New York en plein et on est dans la double mythologie de New York. Double mythologie qui s'est très peu croisée à l'époque, sauf peut-être grâce et à cause de cette exception qui est dans le paysage de la musique des années 80, Arthur Russell, et même des années 70. C'est quoi ces deux tendances? C'est l'avant-garde new-yorkaise, alors telle qu'on la connaît, une avant-garde minimaliste ou post-minimaliste, qui doit à des compositeurs essentiels comme Steve Reich, Philip Glass, voilà pour des têtes d'affiche. Mais derrière ça, il y a une vraie culture minimaliste et de musique comme ça, post-classique, tonale certes, mais post-classique et quand même aventureuse, qui s'exprime et qui mieux mieux. Et l'autre tendance, et celle-ci elle germe à New York mieux qu'ailleurs avant d'ensemencer le reste du monde, c'est la club culture. Club culture et spécialement le disco et des prémices du disco ou alors un post-disco, parfois très aventureux aussi, sur des remixes à perte d'haleine sur plus de 10 minutes et sur lesquels vont se fonder finalement les bases d'une club culture très durable. Et Arthur Russell est dans ces deux camps-là. Et il y est même à la fois, alors que finalement, c'est deux camps qui s'ignorent. Alors, deux camps qui s'ignorent, en fait, ils auraient tort de s'ignorer. Arthur Russell, grâce à lui, va pouvoir montrer qu'effectivement, la métronomie strictement binaire du disco, finalement, elle doit beaucoup aux répétitions minimalistes. C'est une évidence aujourd'hui, mais ça ne paraît pas clair dans les esprits de tout le monde à l'époque. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là et comment arrive World of Echo? World of Echo est un disque, j'ose le dire, c'est un disque testament. Un disque de 1986, son auteur mourra en 1992 pour des suites du sida. Et alors c'est un disque testament 6 ans avant sa mort, ça paraît un peu abscon de dire ça, mais c'est en fait un disque où vont converger l'essentiel des compositions qu'a pu faire Arthur Russell depuis largement plus de 10 ans, enfin même 15, enfin, et puis autant dire sa vie, mais réduite à une forme d'expression totalement essentielle où vont s'exprimer effectivement l'écho. D'où le titre, et puis un instrumentarium très très succinct, parce que l'instrument de prédilection de Arthur Russell, c'est pas un instrument très fréquent dans la pop musique et encore moins dans la club culture, c'est le violoncelle, le cello, qui lui dit. Alors le cello ici, vous le verrez, est associé à de la distorsion, à des délais et des échos, et un traitement similaire est effectué sur la voix d'Arthur Russell, qui est comme ça très fragile, qui susurre, qui psalmodie comme ça des mélopées à peine affirmées. Avant de découvrir ce disque de long en large, et vous allez voir, c'est un vrai bonheur, chaque morceau, on en enchaîne un autre, il y a des morceaux très courts d'une minute ou deux, et puis d'autres tout d'un coup qui font près de 10 minutes, et tout ça s'enchevêtre assez joliment. Il faut rappeler un petit peu ce qu'est l'homme. Quand je dis rappeler, il faut peut-être même dire ce qu'il est, parce que, soyons francs, de son vivant, Arthur Russell est extrêmement méconnu. Arthur Russell est typiquement ce genre d'artiste qui a couru après la reconnaissance, mais qui a toujours reculé derrière le succès. Et donc, c'est une espèce de paradoxe, somme toute assez constant, hein. J'ai pas mal d'icônes comme ça, de différentes sortes de musique, mais chez Arthur Russell, tout ça est largement exacerbé. Alors revenons un petit peu à ce qu'il est. Il grandit dans l'Iowa, voilà, et il décide de migrer. Il part en 1968. Il part là où il faut partir. En 68, c'est sur la côte ouest. Et là, bah voilà, il rejoint San Francisco. On est en plein Summer of Love et post Summer of Love. Il y va qui mieux. Et là, il jette son bonnet par-dessus les moulins, comme on dit, et il rencontre Allen Ginsberg. Allen Ginsberg, avec qui il va lier amitié, et puis il va même lier histoire d'amour, en fait. Et le couple Ginsberg-Russell va un petit peu écumer, comme ça, finalement, la côte ouest, et sans le sou, la plupart du temps, Arthur Russell se baladera un peu comme un espèce de néo-hobo, même dans les conditions les plus dramatiques de son existence, parce qu'il y en aura, jamais il ne se débarrassera de son cello, c'est-à-dire de son instrument fétiche, de son cello, alors je ne trouve plus le mot en français, de son violoncelle. Voilà. Russell n'est pas un virtuose du violoncelle. On n'a pas affaire là à quelqu'un qui soit un grand premier prix de violoncelle, un musicien à la virtuosité exceptionnelle qui forcément garderait son outil jour et nuit auprès de lui. Alors il en joue, certes, très bien, mais Russell, c'est un compositeur, c'est un mélodiste, en fait, hors pair. Mais alors ses mélodies sont comme ça, perdues dans plein de choses, et dans des nappes, comme vous l'entendrez, d'écho et de brouillard, comme ça, joliment dessinées. La suite de la vie de Russell est passionnante, et là, encore guidée par Ginsberg, il lui dit, c'est à New York que ça se passe, et c'est là qu'il y va. Et en 1973, il est encore assez jeune, Russell, c'est quelqu'un qui est né en 1951, il est à New York, et là, il tombe de plein pied dans ce New York, effectivement, des avant-gardes, minimalistes, post-minimalistes, où vont se croiser effectivement aussi bien tous les arts, quoi, les arts minimalistes, mais aussi la danse, etc. Il va croiser, alors il faut voir qu'il est fort quand même d'un bagage d'instrumentiste classique conséquent, Arthur Russell. C'est quelqu'un qui a étudié notamment la musique classique indienne. On sait qu'elle est très difficile, c'est des musiques écrites les plus compliquées du monde, les plus complexes du monde. Donc il a un bagage très, très sérieux. Il va rencontrer comme ça donc, des gens comme Steve Reich, Philip Glass, avec qui il deviendra ses copains. Philip Glass aura une certaine importance sur la fin de sa vie et l'avant-fin de sa vie, mais j'y viendrai après. Robert Wilson est en germe avec Philip Glass dans ces années-là, au début des années 70. Pas encore écrit Einstein on the Beach, qui va être comme ça, une explosion énorme, et qui va révéler à la face du monde. Et d'abord à Avignon, programmé à Avignon, probablement, je ne sais pas, en saute deuxième partie des années 70, je ne sais plus la date exacte, ça doit être 76, le fameux Einstein on the Beach, où là, la dramaturgie, l'hyper-théâtralité de Robert Wilson et la musique totalement minimaliste, rigoureuse, qui correspondait parfaitement au décor de Philip Glass, impose finalement comme ça des nouveaux talents et impose une école new-yorkaise à la face du monde. Et Russell, il était dans l'équipe jusqu'à ce qu'il y soit plus, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est brouillé avec Robert Wilson. Je n'ai pas trouvé les raisons pourquoi. Et pourtant, il y a une hagiographie comme ça, une post-hagiographie, et donc une bibliographie, une filmographie consacrée à Arthur Russell aujourd'hui qui est intéressante. Donc, il y aura peut-être une frustration de ce milieu-là, mais ça ne va pas empêcher Russell d'être une tête chercheuse extrêmement intéressante, notamment grâce à la Kitchen, dont il va prendre la direction au milieu des années 70. La Kitchen, c'est aussi l'épicentre d'une avant-garde new-yorkaise, entre guillemets, contemporaine. Mais déjà, plus ouvert au rock, au métissage de tout genre. Hein. La Factory est passée par là, Warhol & Co. Donc, chez Russell, il y a des oreilles un petit peu affûtées, puis il est là au bon moment. Il est le copain, enfin, il se fait copain avec le premier directeur de la Kitchen, qui est Rich Chatham. Rich Chatham, c'est devenu un copain de région. Il habite Montreuil, Rich Chatham. Ça fait des années. Coucou à lui s'il nous écoute. Rich Chatham, c'est l'homme au 100 guitares. C'est le fameux guitare trio qui va lancer aussi quelque chose d'important. Avant le guitare trio, Rich Chatham est donc le directeur artiste de la Kitchen et il passe la main à Arthur Russell. Et Arthur Russell va dès lors être à la fois dans, alors dans la programmation d'artistes extrêmement intéressants, il va être le passeur de ce style minimaliste et il va s'encanailler en fait le soir, tous les soirs, dans ces clubs qui sont en train de faire la culture new-yorkaise telle qu'elle va se répandre assez peu de temps après à travers le disco, mais aussi ensuite le hip-hop, le funk, et, enfin tout ce que vous voulez. Quoi. Donc ça passe par des clubs comme le Loft, géré par David Mancuso, le Gallery, j'en passe, c'est des meilleurs. Pas encore le Paradise Garage qui n'est pas ouvert, mais enfin ça viendra assez vite. Et le talent exceptionnel de Russell, sinon ça va être ça. Ça va être d'être aussi bien à la bonne avec les DJ importants de l'époque, Nicky Chiano, Walter Gibbons, Larry Levin, et absolument. Alors tous ces gens-là vont travailler avec lui en guise de remixeur. Et puis, les autres gens que je citais, c'est-à-dire Steve Reich ou Philip Glass, aussi David Byrne, voilà. Donc il manque rien comme ça dans le carnet d'adresses de Russell. Il manque rien si ce n'est la vraie reconnaissance et il l'a auprès de ses pairs, mais elle sera jamais publique. En tout cas, jamais de son vivant. Parce qu'effectivement, la reconnaissance va enfin venir à partir des années 2000, où on va commencer à exhumer comme ça. Alors, retrouver les disques originaux qui n'étaient pas complètement introuvables, mais enfin, voilà, c'était fait. Mais après, on a exhumé des bandes, des enregistrements alternatifs, d'exceptions, et qui nous montrent finalement à Russell, parfois à l'aise dans une forme de quasi-folk musique, pop comme ça, susurré. Bien sûr, le disco, qu'on lui a peut-être davantage connu, mais attention, c'était pas du disco qui passait à la radio, loin de là. Et puis des essais presque contemporains, post-classiques, comme ceux qu'il aura pu laisser, notamment, alors j'en reviens à Philip Glass, avec le disque aurait pu être son dernier album, et probablement le premier album dûment promotionné par Arthur Russell, c'est l'album Another Thought. Another Thought paraît en 94. Il est quasiment pas fini, mais il doit quand même à une excellente production. C'est sur le label de Philip Glass, donc Point Music, qui produit et surtout donne les moyens d'enregistrement à des groupes importants, d'essence minimaliste ou post-minimaliste, néoclassique. On y trouve Gavin Bryard, on écoute Ben, bien sûr, des enregistrements de Philip Glass lui-même. Et il a raté la marche. Alors il a raté la marche, un, parce qu'il meurt en 1992, certes, mais il n'y avait pas aussi de quoi livrer un album dans les temps. Alors même s'il sort, il bénéficiera d'aucune promotion, personne ne voit passer cet album en 1994. Donc le seul véritable album d'Arthur Russell, quand bien même il est derrière une palanquée de maxi, quand bien même en étant passé du rôle de boss de la kitchen à celui de musicien quasi autonome, il va se retrouver aussi patron d'un label, enfin il va être le cofondateur d'un label très intéressant, un disco primo électro qui débarque en 1980 et qui s'appelle Sleeping Bag Record. Voilà, il n'y aura pas que des productions de Russell sur Sleeping Bag Record, des trucs très très intéressants et qui sont tout à fait ancrés dans la mythologie disco underground, qui sont devenus après des pépites de sang pour les producteurs house qui leur ont succédé. Mais revenons sur ce disque qui est finalement du Arthur Russell pur et dur. Donc World of Echo. On est déjà assez intrigué par la pochette qui en fait est une trame vidéo assez colorée et complètement abstraite. Ils sont tirés comme ça, un tableau de Rothko un peu brouillé, typique comme ça des trames vidéo pixelisées des années 80. Et en fait, c'est une captation d'une vidéo qu'a fait d'un des enregistrements, d'un des concerts. Voilà que son nom m'échappe. Phil Niblock, voilà. Alors Phil Niblock, c'est une légende aussi à lui tout seul, mais c'est clair que Phil Niblock, c'est le seul musicien et artiste de l'époque qui ait gardé un loft en plein New York. Enfin, lui et la Monte Young, qui n'ont pas été expulsés comme ça, loin à Brooklyn ou ailleurs, pour faire part comme ça au grand marché de l'immobilier qui a à Manhattan, au cœur de Manhattan, est plus qu'exorbitant. Et il fait partie des rares artistes comme ça, un petit peu protégés. Alors non seulement Phil Niblock est protégé, mais du coup, il protège ses protégés. C'est, tout va de soi. Voilà. Et donc, dans ce loft-là, lors d'une répétition, il y a eu une vidéo de tournée qui a été ajoutée d'ailleurs à la réédition de ce disque World of Echo. Bon, c'est un truc que vous trouverez aussi assez facilement en ligne. C'est tout à fait remarquable. C'est très, très beau. Voilà. Donc, Arthur Russell bénéficie quand même de l'estime de ces gens-là, et je pense que ça lui donne des ailes. Parce que paradoxalement, Russell a été, peut-être parce qu'il a été parrainé par un mentor, et pas le moindre, c'est-à-dire qu'il doit beaucoup à Ginsberg, évidemment. Alors c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour, mais toute la confiance en lui qu'aura pu avoir finalement Russell, elle vient de lui. Et Russell est du coup quelqu'un qui aide les gens, c'est le pote des gens. Bon, quand bien même il a une nature un petit peu complexe, largement paranoïaque, il reste des heures, voire des jours et des nuits sans sortir de son appartement pour composer, c'est quelqu'un qui se met rarement lui-même en avant. Peut-être par peur aussi, il y a une timidité comme ça, évident. Mais il y a un moment où tous les artistes avec lesquels il a travaillé, je les ai nommés, c'est des gens qui, dans leur propre expression, sont devenus aussi très bons et qui n'ont pas besoin d'Arthur Russell pour pouvoir s'exprimer mieux ou davantage. Donc il y a un moment où Arthur Russell s'est retrouvé seul, il a dû bosser seul. Et c'est une des solitudes les plus exacerbées, les plus mélancoliques, mais les plus optimisées qu'on ait pu voir dans un disque. Hein, si tant est qu'on pourrait imaginer World of Echo comme un disque comme ça de solitaire. Mais il y a un petit peu de ça. D'où ce réassort de machines finalement assez sommaires, hein, mais on est quand même dans des effets un petit peu outranciers, quasi paroxystiques, donnés aux trois types d'effets principaux qui sont la réverb, l'écho délai et la saturation. Et tout ça, je le répète, au profit d'une voix et d'un cello. Donc d'un violoncelle. Voilà. Alors s'ajoute à ça, et c'est assez important, puisque le studio de Russell était au fond du West End, pas très loin de la rivière, Hudson, qu'il empruntait souvent. C'était un jogger aussi acharné, il courait beaucoup autour comme ça. Bon, c'était les années de jogging, vous me direz, mais quand même, vous verrez toujours des photos d'Art Russell en basket, prêt à courir. Il avait un petit enregistreur sur lui, était apparu dans les années 80, les Walkman, mais déjà des Walkman enregistreurs. Et il enregistrait très fréquemment l'eau de la rivière et beaucoup d'éléments liquides. Et on va retrouver ça dans le disque. Alors parfois en lointain filigrane, c'est pas clairement exposé, mais aussi d'autres manières, des fois l'eau est aussi complètement singée dans l'interprétation complètement liquide, alors fluide et liquide de Russell. Et évidemment, un instrument comme le violoncelle est aussi un petit peu l'apanage de ça. On est dans des nappes, on est dans des ondes, il y a rarement des grands riffs comme ça attaqués. Bon, quand bien même, il y a des jeux de petits pizzicato, de slap comme ça sur les cordes. Hein. Il y a quand même un jeu d'expression qui est étonnant et assez particulier comme ça chez Arthur Russell. Voilà, bah, je vous laisse de plein pied dans cet album. On l'écoute en entier, ça, c'est la devise de l'émission, vous le savez bien. On se retrouve un petit peu après, où je pense qu'on évoquera un peu, au moins pendant 5 ou 10 minutes, et avec un morceau clé à la clé, l'aspect disco d'Arthur Russell, parce qu'il est aussi très très important. Voilà. En attendant, voilà ce magnifique album de 1986, Arthur Russell, World of Echo. Bonne écoute, à tout à l'heure. See that and see them. Thank you. Thank you. Keep my you would never understand. Makes her friends feel too at home. She's a star, she's a woman, she's in the play tonight. Her shoes glowing very bright. Her shoes glowing very bright. Sometimes I think she gets too much. Sometimes I think she gets too much. Sometimes I think she gets too much. It makes her friends feel too high. Sometimes I think she gets too much. Oh, I do know. Sometimes I think she gets too much. She makes her friends feel too at home. But what I said is simply not true. Her love is her gift. She thinks of us as friends. You made a sound, it's in an early state. It liquefies inside before it's old, before it's energy is over. Sing this out, the last sound to make it alone. You like to bear an incessant tree. It made a sound that only you can do. It liquefies inside before it's old, before it's energy is oversaying. Though that sound, though that you can move it in. Oh, if only this is the show, I'd like to know. So I need a leading up to try a very right. It's much better. A thing is dead, no deal with it. So much of that goes into a fog. Returns at night, don't you remember? By the door, and up by the roof. For there's no friend, the pig's finishing. So much of that in their uniform. I go in there, cause there ain't a fair. A billionaire, you. Go Yeah, they see you, yeah, they see you.

Bessie. And in summer, the same time that they were letting go, they were the same. They were the same. They were the same. Watching out of my ear when the fog goes up, I'm like a liberty. Hearing but not understanding, seeing the cloud but not the sky. He came inside. He gets on his bicycle and he can't go out. The light rings in. I'm liking, but much more inside. I'm liking, but more to myself. I'm liking, but much more inside. I'm like him, but more to myself. Sanitize. Oh yeah, I'm on the dot. I'm on the side of the third. The name of the next song is Anti-America. California, here I come, California, here I come. Voilà. Arthur Russell, donc, et cet extraordinaire album World of Echo. Alors, il paraît en 1986, il est largement ignoré, m'en tombe pas. C'est sa réédition de 2004 qui va un petit peu quand même le faire valoir un peu plus. Et c'est vrai qu'à partir de 2004, en fait, juste après que Soul Jazz ait édité une superbe compilation, alors où il y avait à la fois des morceaux très intimistes, comme ça, au cello, mais aussi les remix disco qu'on pu avoir lieu de part et d'autre, qui révélaient enfin aux yeux du monde Arthur Russell. Et je le disais en préambule tout à l'heure, Arthur Russell est de ce genre d'artiste qui cherche la reconnaissance et en même temps fuit le succès au galop. Et alors je me rappelle très bien moi avoir eu des disques de son label et des disques en fait qui derrière lesquels sont Arthur Russell dans les années 80, mais en fait sans savoir ce que c'était. Les labels disco de l'époque, bien sûr, les 12 Inches sont extrêmement avare d'informations. Il faut vraiment les décrypter qui mieux en regardant qui a composé. Et encore, en général, c'est des pseudos, vous êtes perdus. Donc, impossible de savoir véritablement qui fait quoi dans tout ce micmac. Et le label que crée Arthur Russell en 80, je sais pas, 81, 82, Sleeping Bag, ouais, c'est très tôt en fait, va éditer dès 81 justement le premier projet album. Disco, mais alors un disco tangentiel qui va chercher finalement aussi bien des racines et des influences dans la musique africaine, dans la musique indienne, une espèce de folk, tout ça concassé dans du 4-4 absolument hypnotique. Et l'album qui va sortir à ce moment-là, c'est sous le nom de Dinosaur L. Le disque lui-même est crypté à souhait et c'est difficile d'y comprendre quoi que ce soit. Chaque morceau porte un numéro. Et parfois, derrière le numéro, un sous-titre. Et le plus grand succès, mais alors, j'ai envie de dire post-succès, reconnu tardivement d'Arthur Russell, est probablement celui-là. C'est Number 5, entre parenthèses, Go Bang. Et avec le temps, finalement, c'est devenu Go Bang, Number 5, et tout le monde dit aujourd'hui Go Bang. Alors, l'histoire de ce morceau est fabuleuse. C'est d'abord un morceau sur un album. La production est fouillée, mais un peu brouillon. Il y a trop de choses, il y a trop de richesses, il y a trop de timbres, avec des influences qui vont justement piocher dans la musique africaine, un petit pied dans le reggae, et on sent bien qu'il y a aussi cette influence indienne derrière des drones, des tapis de claviers extrêmement épais. C'est sublime, mais c'est trop fort. Évidemment, ce n'est pas du tout en corrélation avec les standards dancefloor de l'époque. Même si, et je le répète, c'est là la force d'Arthur Russell. Il est les deux pieds sur le dancefloor. C'est un habitué du Paradise Garage. Il était dans les soirées de Mancuso à son loft très régulièrement. Et donc, il côtoie tout cette espèce de noyau new-yorkais de DJ remixeur. Parmi ceux-là, l'un des plus talentueux, François Kevorkian, cet ingénieur du son fraîchement exporté de France et qui est à la fin des années 70 et début des années 80, derrière à peu près toutes les productions intéressantes. Alors notamment Kraftwerk, hein, il va être l'ingénieur du son de l'album Man Machine de Kraftwerk en 79, voire 78. Et Kevorkian est aussi, il est toujours de fait, François Kevorkian à la presque en pole position, comme ça, des avant-gardes dancefloor typiquement new-yorkaises, et en même temps, sa patte peut fabriquer un tube. Et c'est exactement ce qui va se passer, mais presque contre son gré, avec le morceau Go Bang. Go Bang, initialement, donc, sort en tant qu'un album, il est extrait pour un 45 tours, enfin un maxi, et puis va de facto être un remixé par Kevorkian, donc dans les 6 mois. Voilà. Et le Go Bang Number 5, le plus hystérique, parce que d'ailleurs c'est un morceau qui est totalement hallucinatoire et hallucinant pour un morceau disco de l'époque, est immédiatement donné par le cofondateur de Sleeping Bag Records. Ils sont deux, donc Arthur Russell et un autre, son nom m'échappe, on n'en voudrait pas. Mais c'est lui qui va aller dans la cabine de DJ Booth de Larry Levin, au garage, au Paradise Garage, lui dire, voilà, le disque est tout frais sur des machins, etc. Et le disque met le feu sur le dance floor immédiatement. Tout le monde est content, sauf l'auteur, Arthur Russell, qui n'aime pas Punk, il aime pas parce que les drums sont un petit peu noyés, le pied est un petit peu trop en avant. Bah, ce qui est un peu aussi l'évidence sur un titre dance floor. Donc, il aime pas. Mais Larry Levin, qui lui, quand il aime un disque, est capable de le jouer deux fois de suite, va le rejouer après. Donc non seulement la première fois qu'il est joué, les gens pètent les plombs, mais la deuxième fois, ils vont péter encore plus. Et du coup, Arthur Russell va se mettre à l'aimer, il va arrêter de faire la gueule. Parce que oui, il était comme ça, Arthur Russell. Et puis se dire, bon, bah oui, peut-être que là, on tient quelque chose. Voilà. Et finalement, ce morceau-là a longtemps été un des gemmes et un des secrets les mieux gardés de la dance music. Aujourd'hui, il est largement identifié, mais à l'époque, c'est un ovni. Voilà, je vous le livre là, c'est presque un rappel. Ça nous permet de quitter cette merveilleuse semaine qu'on a passée autour de Arthur Russell. Quel bonhomme, vous vous rendez compte? Et puis bah, sortir, non pas les pieds devant, mais sortir les pieds d'ensemble. Donc voilà, l'ultra classique, l'ultra culte maintenant, et sur Cargo Culte, ça le mérite bien, Go Bang, dans sa version réécrite, remixée par François Kevorkian en 1982. C'est le dance floor, des dance floors. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée à l'écoute de Pinot. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Je ne sais pas encore avec qui, mais ce sera bien. Bisous à tous, à bientôt.